Et puis voilà, tout est remontant. Devrait faire ça de bonne. Est-ce possible que la conscience amène des symptômes tels que sensation d'ouverture au-dessus du crâne, mouvement dans la tête et le système nerveux entier qui est extrêmement tendu? Ce que je réponds aux séminaristes tout le temps, c'est que tout est possible. Même quand je dis ça et qu'on se demande encore, est-ce que c'est possible que... Je leur dis, tout est possible. Le professeur Sabutu me dit, Daniel, est-ce que c'est possible? Je sais, tout est possible, là, mais est-ce que c'est possible que... L'intelligence parentale intervient par le biais de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique qui a tendance à rectifier la pensée pour engendrer la parole dans la tête. Et par la suite, on a aussi une rectification dans la parole quand on parle. L'ajusteur de pensée va aussi venir faire vibrer une glande qui s'appelle l'épiphyse, la glande pinéale, une glande qui se trouve un petit peu en haut du thalamus. Le thalamus, c'est le siège de l'expression de lecture du corps astral. Et l'hypothalamus, c'est le siège de l'expression en écriture du corps astral. Ça veut dire que le corps astral, l'âme s'exprime dans le corps par le biais de l'hypothalamus. Et l'âme est informée de ce qui se passe par le corps, donc à l'extérieur avec ses sens corporels qui captent, par le biais du thalamus. La glande pinéale, l'épiphyse, et non pas l'hypophyse, la glande pinéale, elle est en contact avec le phénomène supramental et progressivement, c'est ce qu'on appelle aussi le centre coronal, qui est un chakra, un carrefour d'énergie, progressivement, ça va commencer à bouger. Et par le mal des caractéristiques qu'ont les cerveaux humains, certains cerveaux vont analyser les impressions comme une ouverture, d'autres comme un picotement, d'autres comme une sensation de fraîcheur, d'autres comme une sensation de pénétration de quelque chose. Ça dépend des cerveaux. Donc, on n'a pas à se normaliser pour savoir si on l'a ou on ne l'a pas. Si on est intelligent ou intelligente, c'est qu'on l'a, c'est fini là. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question pour le reste. Alors, effectivement, oui, ça crée des symptômes dans ce genre-là. Mouvement dans la tête. Le cerveau peut décoder différentes choses. En plus, il y a une mutation neuronique qui s'opère très lentement, progressivement. En plus, il peut y avoir une accélération de la circulation du liquide céphalo-rachidien dans les méninges. Et nécessairement, ça peut effectivement être perçu par le cerveau, créer une sensation de déplacement et de mouvement. C'est pour refroidir le cerveau et pour le nettoyer, s'il y a des petites opérations qui se passent à l'intérieur. Le système nerveux entier, qui est extrêmement tendu, ça c'est probablement l'ego qui a peur, qui résiste. Puis si l'intervention supramentale est suffisamment d'envergure, l'ego va être repoussé, il ne pourra pas venir nuire à l'intervention. Mais l'ego va pousser, va quand même s'exprimer. Alors là, il peut y avoir effectivement le système nerveux qui sera tendu, des choses comme ça, parce que l'ego résiste à la transformation ou au contact. Une femme qui choisit l'avortement commet-elle une erreur, même si elle le fait sans aucune culpabilité? L'avortement chez quelqu'un d'autre ou chez elle? Probablement chez elle. Je plaisante, je porte un jugement. Répète ta question. C'était pas son mari. Une femme qui choisit l'avortement, commet-elle une erreur, même si elle le fait sans aucune culpabilité? Est-ce contre les lois cosmiques? L'être humain est manipulé. Alors, une femme qui choisit l'avortement est une femme à qui on a forcé à choisir l'avortement. Une femme qui ne choisit pas l'avortement est une femme à qui on a forcé de ne pas choisir l'avortement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que planétairement parlant, pas correct. Si je serais une femme, j'aurais des raisons de choisir l'avortement. Je serais manipulé à le faire. Je choisirais probablement l'avortement, tout en sachant que c'est con qu'on se pogne à choisir l'avortement. C'est compliqué. C'est pas correct. Mais si c'est comme ça, c'est comme ça. La femme ne commet pas d'erreur. Vous n'avez jamais commis d'erreur. Disons que la seule erreur que l'humain peut commettre, mais c'est même pas vrai, c'est de ne pas se faire confiance. On pourrait dire en réalité, c'est que l'erreur que l'humain fait, c'est qu'il doute de lui. Mais c'est pas une erreur, encore une fois, parce qu'il est pris à douter de lui. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ce qu'il croit être n'est pas lui. C'est de ça qu'il doute. Puis en doutant de tout ça, il finit par plus être capable de discerner ce qu'il est de ce qu'il n'est pas. Donc il doute de tout. Est-ce reste contre les lois cosmiques, tout ce qui arrive est dans les lois cosmiques. Avortement ou pas. Imaginez, la femme se fait avorter, elle tue un bébé, elle tue un enfant, elle tue un adulte. Il y a un accident d'automobile quelque part, puis on tue un adulte aussi. Si Dieu se le permet, je pense que la femme peut se le permettre aussi. Ayant l'intention de participer à un atelier d'initiation au Reiki, j'ai eu l'occasion de me prêter une démonstration de 10 minutes. Pendant que la thérapeute posait ses mains sur mon thorax, puis sur mon abdomen, elle tremblait fortement de tout son corps. La séance fut calmante et agréable, mais après, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de manifestations inconfortables, comme une lassitude, une faiblesse extrême, une baisse de tension artérielle, 90-50, et du pouls, 50. Les premières 48 heures, quand j'étais sur le point de m'endormir, le cœur et le souffle étaient très faibles et j'avais l'impression que la vie allait quitter mon corps. J'ai maigri 3 livres en 2 jours et les symptômes se sont poursuivis en dents de scie durant une semaine. J'ai annulé mon inscription, prévue, j'espère, prévue pour la fin de semaine suivante, tout en conservant une certaine ouverture pour l'avenir. Explique-moi quel phénomène s'est produit suite à cette séance de Reiki. Bon. Premièrement, il y a des êtres humains, il y a des techniques qui s'adressent aux êtres anciens. Et il y a des techniques qui s'adressent aux êtres nouveaux. Les êtres qui sont transitifs, c'est-à-dire qui ont suffisamment de caractéristiques génétiques ou de conscience, donc en mutation par la suite, des caractéristiques acquises, doivent être supporté par des techniques reliées à l'être nouveau. Donc, la personne, elle a probablement été, parce que les techniques de style de ce genre-là, Reiki, sont des techniques de l'ère ancienne. Certaines de ces techniques sont réadaptées. Ce sont des techniques de l'ère ancienne. Il se peut fortement que la personne ait subi une allergie réelle dans une communication énergétique entre une personne qui, sans péjoratif, ne fait plus partie de la même race qu'elle. Alors, nécessairement, elle s'est sentie bien parce qu'il y a eu un échange au niveau des égos. Mais probablement que son énergie a tellement dû être canalisée pour supporter le contact avec une race de l'ère ancienne que par la suite, le corps physique a royalement manqué d'énergie. Quand on parle d'hypotension ou de bradycardie après une imposition des mains, normalement, on a. C'est exactement comme si. C'est un drainage, mais pas nécessairement sympathique, mais un drainage énergétique. C'est pas un drainage sympathique, non. Ce qui est arrivé, c'est exactement comme si on avait voulu mélanger les énergies d'un singe et d'un cochon, d'un terrien et d'un martien, d'un être ancien ou d'un être nouveau. Il y a quelque chose dans ce qui est expliqué ici qui est absolument symptomatique d'une personne qui ne peut pas, qui a une allergie constitutionnelle au niveau de l'énergétique et même peut-être même physiologique, avec certaines stratégies de confortabilisation de l'ego. Parce que les techniques Reiki, c'est pour rendre l'ego confortable. C'est pour le rassurer, il se met du baume sur le cœur. Quoi qu'on en dise, les religions font la même chose. Toutes les techniques de l'ère ancienne, c'est ce qu'ils font. C'est permettre à l'ego de supporter son ignorance. En définition, là. Même le yoga va faire ça. Bon. Alors, la personne ici, elle a probablement subi un contact avec quelque chose qui l'a finalement beaucoup plus drainé que ça lui en a apporté, parce que le récipient qui l'a touché était peut-être du point de vue de la qualité énergétique plus bon. Donc, il a ramassé plus froid. Et on ne parle pas d'évoluer ou d'évoluer, mais je parle de principe énergétique. La personne, elle dit, bon, alors j'ai remis ça à plus tard, je reste ouvert. Qu'il faut faire. Il faut rester ouvert. Puis elle a fait ce qu'il fallait faire aussi. Tu sais, il y a des personnes qui s'inscrivent à mon séminaire, puis 3 jours de temps avant, ils sont malades. Bon, la majorité d'ailleurs ont des problèmes. Bon, ils vomissent, ils veulent plus venir, ils savent plus ce qu'ils ont bien fait, puis finalement, c'est vraiment ça quand même. Bon. L'ego va tout faire pour empêcher l'individu de venir. C'est l'ego qui s'inscrit en plus, ça fait qu'il y en a un qu'après ça, il se fait instruire que peut-être mon petit se remet à t'inscrire au Club Med, tu sais. Et il y a quelques rares personnes qui, à un moment donné, vont se désister pour des raisons qui ne sont pas comme, disons, aussi fortes que celles-là. Des raisons qui paraissent stupides et qui, pour moi, sont impeccables. Ben, tant mieux, cette personne-là ne devait pas le faire. C'est pas une question de dire, elle n'est pas assez évoluée pour le faire. C'est qu'elle n'a pas à le faire. Pas là, en tout cas. Peut-être jamais non plus. Parce que je ne suis pas le seul chemin. Alors, la personne, c'est ça, il y a eu des choses, puis elle était suffisamment centrée sur elle-même pour se dire, ben là, écoute, moi, je cancelle tout pour l'instant. Tout ce qu'il faut faire aussi. Il est tellement facile de se foutre de tout. Pendant des années, j'ai travaillé à ne plus m'en foutre, à me sensibiliser. Aujourd'hui, je comprends que rien ne doit m'affecter, mais je crains de ne pas encore être suffisamment intelligente pour m'en foutre correctement. Il y a assez de danger de trop s'en chier. Étant donné que vous avez la conscience de poser la question dans votre conscience de voir qu'il y a danger, probablement qu'il n'y a plus de danger. L'ego veut vous faire peur en vous expliquant que, écoute, t'as été comme ça, puis peut-être tu vas le devenir. Si vous le voyez, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Même totalement différent, puis là c'est une subtilité, ça là, c'est très subtil. Il faut être relativement raffiné au niveau d'intelligence pour pouvoir le voir. Alors, effectivement, moi je dis souvent qu'on doit se détacher des choses sans s'en foutre. Et c'est aussi ce qu'il faut être subtil pour comprendre la nuance, pour appliquer la nuance. Être détaché sans s'en foutre. Je ne me fous pas des humains, mais j'en suis détaché. Je ne me fous pas de ma chatte, mais j'en suis détaché. Je ne me fous pas de ma vie, mais j'en suis détaché. Ce n'est pas la même chose. Et il y a une nuance entre dire, bon, comprenons aussi, j'ai déjà fait des conférences là-dessus, mais on va revenir aussi peut-être, c'est assez relativement intéressant de comprendre. L'être humain, à un moment donné, a subi dans son évolution des libérations. Il s'est libéré, à un moment donné, de certaines choses après avoir été inhibé. L'être humain, l'homme des cavernes, la femme des cavernes, ça joue du sexe, ça peut finir, ça se reproduit avant même que Dieu leur dise de le faire, hein, parce que c'est préhistorique, il n'y a pas rien d'écrit. Ça se bat, ça s'entretue, ça se mange, pas de problème. À un moment donné, ils commencent à être inhibés au niveau du cannibalisme. Alors, ils vont continuer à offrir des dieux, des corps aux dieux, ils vont continuer à avoir plusieurs femmes, à violer, enfin, l'homme a toujours violé, à violer des femmes de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. C'est pas la faute de l'homme. Bon, et quand ça sentait, il y allait. Bon. Et puis, à un moment donné, on finit par créer chez l'humain de l'inhibition sexuelle pour l'obliger à vivre son énergie au niveau du spirituel. Alors, il commence à penser que l'aspect de la sexualité, c'est tabou, c'est plus beau, c'est des cochons, etc. Alors, qu'une fois qu'il est marié dans un égrégore spirituel, il va accepter de coucher. Autant qu'avant. Mais là, c'est correct. Prends les enfants. À un moment donné, on va l'inhiber au niveau spirituel. Il n'est plus capable. Plusieurs, maintenant, vous êtes à ce niveau-là. Plus capable de rentrer dans une église. Inhiber au niveau spirituel pour obliger votre énergie à s'exprimer au niveau du mental. Et les inhibitions, il y en a plusieurs autres. Il y a l'inhibition matérielle. L'inhibition matérielle va normalement engendre l'évolution, l'inhibition corporelle va rendre l'évolution matérielle. J'ai plus peut-être coucher avec ma femme ou avec mon mari parce que j'ai trop de travail. Après ça, on finit par être inhibé au niveau de la matière. Là, c'est le plan spirituel. Inhibé au niveau du plan spirituel. Là, c'est le plan mental. Mais des individus qui, à travers leur cheminement, au lieu de continuer à s'inhiber, plus on est évolué, plus on est pogné. Et c'est bien. C'est bien mal, c'est bien. L'individu, à un moment donné, finit par arrêter de s'inhiber et commence à se libérer. La libération, c'est un retour en arrière. Libération sexuelle, on couche avec n'importe qui, avec n'importe quel objet, de n'importe quelle façon, avec n'importe quelle quantité, de n'importe où. L'être humain qui c'est se vraiment libère... Libéré, ça, hein? C'est vraiment libéré, ça. Vraiment libéré. Pas jamais été libéré dans ça. Libération spirituelle, ben là, on se fout de tout ce qui est spirituel, on se fout des spiritualistes, on niaise les moines, on niaise, c'est-à-dire on se fout de libération spirituelle. Bon, libération matérielle, ben là, on mange, on engraisse, on se balance de tout, on dépense, on cause la matière, on pollue, tout problème. Ça, c'est se foutre de, c'est un retour en arrière. L'être humain qui se conscientise est inhibé. Il y a même plusieurs qui sont inhibés en face de moi-même. Tant mieux, ça évite qu'ils viennent me têter. À un moment donné, dans l'inhibition, on arrive à un point où là, l'intelligence est suffisamment présente qu'on devra commencer à se désinhiber. Alors, on devra se désinhiber matériellement. On devra se désinhiber sexuellement. On devra se désinhiber spirituellement. Sur tous les plans. Mais la désinhibition n'est pas une libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de problème avec votre corps physique. Quelqu'un vous surprend tout nu, ça ne vous dérangera pas. Celui qui est libéré, ben, il va se promener tout nu sur le balcon au milieu de la ville de Montréal. Celui qui est désinhibé ne souffrira pas d'être déshabillé dans la ruine. Mais il ne le fera pas nécessairement. Celui qui est désinhibé ne verra pas de problème de coucher avec n'importe qui. Probablement qu'il ne le fera pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence à coucher avec n'importe qui. Mais il n'y aura pas de limitation à coucher avec n'importe qui. Mais il ne le fera probablement pas. Et là, ça fait partie des subtilités. La désinhibition, elle va, c'est une liberté totale, mais ce n'est pas une libération, dans le sens qu'on le vit régulièrement. Donc, personne, c'est tellement facile de se foutre de tout. Si on se libère, oui, on va se foutre de tout. Si on se désinhibe, on ne se fout pas de tout, on se fout de rien. Mais on n'est pas manipulable par les choses, on en est détaché, on est bien avec les choses. Et les humains, ou les animaux, ou les végétaux, ou les extraterrestres, ou les météorites, ou les apocalypses. On s'en fout pas, mais ça ne peut pas nous manipuler. La désinhibition, on va en revenir là-dessus à un moment donné. Première chose, c'est ainsi de juger. Deuxième, désinhibition, transparence. C'est ce qui va rendre l'humain totalement libre et non pas libéré. Hein? Faut comprendre juste l'énergie que je vais mettre sur ces mots-là. Là. Regardez pas le dictionnaire, ouais, c'est pareil, là. Bon. Aujourd'hui, je comprends que rien ne doit m'affecter. C'est tellement évident. Ça nous affecte quand même, d'accord, mais sachant qu'on ne peut pas être affecté, ça nous aide. Puis rien de pire que d'avoir chiolé par quelque chose et d'être affecté parce qu'on a chiolé. En plus d'être pris, on est doublement pris. Hein? Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure. Si à un moment donné, je me rends compte que je me fais d'avoir, félicitations, je me rends compte. Je ne continue pas à chioler parce que je l'ai vu. Bon. Que rien ne doit m'affecter, mais je crains de ne pas encore être suffisamment intelligent, pas avec une question comme ça. Et vous craignez, ça, c'est un problème. Vous êtes suffisamment intelligent. Pour m'en foutre correctement, y a-t-il un danger de trop s'en foutre? Vous allez vous en foutre et vous allez découvrir que ce n'est pas correct. Faites-vous confiance. Vous allez voir, vous allez vous auto-corriger tout seul. Être un seul maître, là, ça permet ce genre de choses-là. La personne est déjà très lucide. Alors, à un moment donné, elle va s'en foutre. Elle va prendre sa douche, là, elle va regarder un peu sa journée, elle va se dire, merde. Bon, la elle va dire, bon, je le vois, ça. Si je le vois, c'est pardonné, cosmiquement. On oublie, on continue. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est ce que vous êtes. Alors, vous allez faire ça, puis vous le voyez, c'est ça que vous êtes. Le reste, là, absolument, oubliez ça. On continue d'avancer. Comment Saddam Hussein et sa voix peut-il orienter l'humanité sur une voie noire si l'Amérique du Nord a en sa possession des objets énergétiques tels que la lance et la coupe et d'autres choses qui empêchent ceux-ci de perdre une guerre juste, entre guillemets, sauf si évidemment elle n'est pas juste, comme toutes les apparences de démons, de pétrole, etc. Autrement dit, la cité de l'avenir dont tu parles dans ton livre ne serait pas menacée de disparaître si l'humanité choisit la voie de Saddam Hussein, puisqu'il suffirait de transporter des êtres transportables. Donc, le pilonnage du passé pour que l'humanité s'oriente vers la cité d'avenir est inutile étant donné le transport en question. C'est utile pourquoi? Pour la simple raison que rien n'est décidé encore s'il y a des individus qui vont être capables de se fusionner suffisamment avant le temps, hein? Pendant le temps aussi transportable. Ces individus sont pas, en plus, ils sont pas suffisamment prêts. Il y a intérêt à ce que l'humanité bifurque. Mais le pilonnage du passé a surtout fondamentalement comme idée de retarder le point de bifurcation, pour donner plus de temps aux individus qui peut-être pourraient être transportés. Donc, il y a intérêt à pilonner dans le passé pour étirer la fourche, l'amener à 93, 94, 95, 96. Plus ils vont prendre du temps avant de décider, plus on va avoir du temps pour s'en aller. Est-ce que dans le sens inverse, c'est pas aussi étirer le temps parce que, autrement dit, si la limite était plus proche, est-ce que les individus qui devront être prêts ne seraient pas prêts plus vite? Non, les corps physiques ne seraient pas corrects encore, puis ça reste un certain nombre de gros problèmes. Donc, Saddam Hussein, peut-il orienter l'humanité sur une voie noire? Bon, l'Amérique, effectivement, a en sa possession certains trucs intéressants. Vous savez, une bombe nucléaire, c'est génial, hein? C'est quelque chose de très intéressant. À Bagotville, les forces armées canadiennes en ont plusieurs. Ils ont des ogives nucléaires, qui ont des bombes nucléaires aussi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de détonateur. Les Américains se sont dit, on va vendre à nos acolytes, tu sais, mais si un jour il y a une guerre, ben, on ne tient pas s'ils les lancent à la tête. Alors, si c'est sûr qu'on se bat contre quelqu'un, on leur donne les détonateurs la veille du départ. Les réservoirs d'énergie qui sont aux États-Unis d'Amérique, entre autres, à Fort Knox, il leur manque des détonateurs. Ces détonateurs-là, ce sont des êtres humains. Si on prend Large Alliance, c'est absolument génial. C'est absolument rien tant qu'un humain n'aura pas touché le poignet, le bon humain. La coupe du Graal, la même chose. C'est extraordinairement génial tant que la bonne main n'aura pas pris la coupe, ça ne vaut absolument rien. La lance du destin, la lance de Longinus, c'est la même chose. Elle a servi. Depuis les différentes aventures qui sont passées à l'époque vers les 1000, 1100, 1002, 1300, disons à l'époque d'Arthur, à l'époque des Templiers, les époques qui vont suivre autour de ça par la suite, ces objets-là perdent leurs caractéristiques de plus en plus d'année en année. Adolf Hitler a été le dernier à se servir de lance de Longinus. Et présentement, si la bonne main ne la touche pas, cette lance-là ne vaut plus rien. Alors, les Américains sont des gardiens. Ils sont les gardiens du peuple québécois. Ils sont les gardiens de la philosophie de paix. Mais ils se font ramasser aussi. Parce que, du point de vue pas absolu, du point de vue planétaire, les États-Unis d'Amérique n'ont pas entré en guerre contre l'Irak à cause du Koweït. Le Koweït a toujours été irakien. Les Américains, après la Première Guerre, ont déterminé des frontières. La Deuxième Guerre mondiale les ont confirmées parce qu'ils voulaient avoir du pétrole d'une région. Alors, ils ont séparé les choses. Ils se battent pour libérer, pour la justice et la paix. L'Arabie saoudite, c'est uniquement des esclaves et quelques familles de grands cheikhs qui dirigent tout. Qui sont riches, tout le reste est pauvre. Le Koweït, c'est des Émirats aussi, c'est similairement la même chose. Et puis, on n'est pas dedans du tout. C'est présentement ce qui arrive simplement, c'est un retour du passé. Présentement, ce qu'on fait, là, les Américains, ce qu'ils font, c'est une croisade. Alors, ils sont partis pour libérer le tombeau du Christ en terre sainte, mais c'est Babylone qui veut le libérer. Babylone, c'est Bagdad est construit sur les ruines de Babylone. Alors, c'est Babylone la maudite, là, c'est Bagdad. Probablement qu'elle va se faire nucléariser à un moment donné, selon les prophéties, c'est ce qui va arriver. La colère de Dieu, bon, etc. Mais présentement, ce que font les Américains, ils font une croisade, ils se battent contre l'islam. Et les croisades ont toujours été quelque chose du genre, c'est-à-dire que fondamentalement parlant, c'est juste et bien. Mais c'était quoi la récompense des croisés? C'était le paradis à la mort et les biens. Le pillage dans ce vie-ci. Là, ce serait le pétrole. C'est sûr que la guerre, elle est dans l'apparence juste. Quand l'Organisation des Nations Unies dit, quand Israël a fait des conneries comme l'Irak, on n'a rien fait, maintenant que l'Irak le fait, on intervient, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans le passé qu'il faut qu'on continue à en faire. Ils ont totalement raison. Et moi, on dit que c'est bien fait pour expliquer ce qu'ils font. Mais en même temps, Saddam Hussein a été bâti. C'est sûr que Saddam Hussein, c'est un danger. Pourquoi? Parce que les Américains vont probablement finir par plier. Mais Saddam Hussein, si tu le laisses prendre le Koweït, il va prendre l'Arabie saoudite. Il va continuer à conquérir. Il va détruire l'État d'Israël. Et par la suite, il va lancer son djihad à l'échelle planétaire. Si on contre Saddam Hussein, on va rallier plus rapidement les peuples arabes pour lui. De toute façon, ça devrait quand même se finaliser avec, quelques années plus tard, lui vivant ou lui mort, encore une fois, un djihad à l'échelle planétaire. Alors, deux et un font trois. Les Américains ont essayé de voir si un et deux ne pourraient pas faire autre chose que trois. C'est comme différent, mais le résultat est le même. Alors, la manipulation, oui. Les Américains sont manipulés à faire certaines choses. Présentement, toutes les mécaniques planétaires s'enlignent pour que les prophéties d'Apocalypse s'accomplissent. Une fatigue habite mon corps. Est-ce la mutation du corps qui est responsable de ce manque d'énergie vitale? Plus j'applique de techniques telles Rescon, les marches flottantes, plus je prends conscience de cette fatigue. Bon, c'est évident que les techniques PMC ont certains résultats secondaires, c'est-à-dire qu'ils vont améliorer la lucidité mentale normalement. Ils vont permettre d'accélérer la mutation psychologique. Ça crée aussi des mutations au niveau physique. Il s'agit des changements au niveau du système endocrinien, au niveau du système neuronique. Et tout ça au complet va faire en sorte que vous allez devoir, vous allez être comme un enfant. C'est en croissance. L'individu qui a, par exemple, qui mange trop mal, n'aura plus assez d'énergie. L'individu qui ne dort pas suffisamment, quand on est jeune, on dort plus, hein? Donc quand on est en croissance, n'aura pas assez d'énergie. L'individu qui a trop de relations sexuelles n'aura pas assez d'énergie, etc. Il faudrait que la personne vérifie un peu l'équilibre alimentaire. Il y a des personnes qui se disent peut-être qu'ils manquent de fer, et que là, ils prennent du fer. Et si vous n'avez pas les enzymes pour assimiler le fer, vous allez le sortir le fer. On doit manger équilibré. Puis la meilleure façon de manger équilibré, on en a déjà parlé souvent, c'est d'y aller avec ce qu'on pense qui est le meilleur. Quand le corps le dit, là, il me semble que bon, on essaye ça. La personne doit vérifier certaines choses, mais la majorité des individus qui commencent une conscientisation se sentent souvent fatigués. Mais il faut remarquer qu'ils se couchent à 11h, 11h30, minuit, ils se lèvent de bonne heure, sont stressés, ils commencent à former à chioler, c'est un jugé, mais bon. Et puis, mangent pas nécessairement bien, ou pas nécessairement rythmé, ou en tout cas, hein, plusieurs choses. Il faut qu'on commence à vérifier ça, parce que sans ça, les techniques vont forcer l'amélioration là où l'intelligence va aller. Tout le reste au complet, là, c'est à nous de l'entretenir. L'intelligence ne peut pas l'entretenir, ça. Alors, toutes nos legs du passé, il faut que nous, on l'entretienne avec les méthodes au minimum là, planétaires assez logiques. J'ai remarqué que vous faites peu de promotion externe pour vos conférences. Expliquez. Même à l'interne, on n'en fait pas trop. On n'en parle même pas de nous autres. Pour la simple raison que on n'a pas débarqué. On fait plein de promotions. On n'aura pas plus de monde. Ça coûtera plus cher. Fait qu'en en faisant pas, et on n'a pas moins de monde. Mais ça coûte moins cher. C'est quand l'Académie PMC va commencer à faire de la promotion, probablement ça va commencer à un moment donné, c'est probablement quand ça va devenir suffisamment évident que karmiquement, ça devient négatif pour les individus de l'Académie de ne pas promouvoir certaines techniques qui seraient drôlement bénéfiques pour plusieurs humains. Mais en attendant, vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ce n'est pas correct. Et puis nous, on applique pas tout, mais on applique en maudit. Puis quand une personne n'a pas d'affaires là, ben on la rejette, puis on n'aime pas ça. On préfère simplement laisser les choses plus compliquées. Et si les gens ont à se pointer à un moment donné, ben effectivement, ils se pointent. Certaines personnes peuvent dire que c'est peut-être pas rentable. Énergétiquement, ça l'est. Tu sais, une quantité de gens dans une salle de conférence, ça demande un certain nombre de personnes. Payer la salle, payer toutes les affaires au complet. C'est rare que c'est rentable financièrement. Mais de temps en temps, on rencontre des individus qu'on n'aurait probablement jamais rencontrés autrement. Énergétiquement, c'est merveilleusement rentable. Que ce soit au niveau énergétique, donc dans d'autres sphères, ou simplement au niveau matériel à un moment donné, parce qu'on a fait les choses ensemble. C'est pas en faisant de la promotion que les gens intelligents vont se pointer ici. C'est pas comme ça. L'intelligence, c'est quand c'est le temps d'eux, puis ça vient comme ça. Je vais vous conter des anecdotes intéressantes. Une personne, à un moment donné, on était sur 140 Trémazie, et puis la personne, elle a la publicité d'une librairie ésotérique, là, petite affaire de rien, fait qu'elle décide de venir. Et quand elle arrive, eh bien, elle ne trouve pas l'adresse, parce que l'adresse est sur la rue de Reims. Mais il n'y a pas d'adresse au bloc. C'est 140 Crémazie, mais il n'y a pas de porte sur 140 Crémazie. C'est sur la rue de Reims. Et puis, elle passe en avant, faisait froid, etc. Il pleuvait. Bon, puis elle décide de s'en aller. Fait qu'elle revient à pied jusqu'au métro. Puis elle se sent coupable au maximum. Fait qu'elle décide de revenir. Elle cherche un peu, elle ne trouve rien. Elle retourne 4 fois qu'elle s'est essayée dans la même soirée. La dernière fois, elle dit, là, j'y retourne. Puis si je ne le trouve pas, ben j'y vais pas. Ben, elle l'a trouvé. Restait au 11e étage. Elle est montée jusqu'à où tout était contre elle. Elle est rentrée dans le salon. C'est un salon qui, c'est pas moi qui avais fait ça, mais c'était joli. Énergétiquement, c'était réellement un temple. C'était tout en gros bois massif. En rentrant là, elle s'est sentie sec, elle s'est sentie charriée. Là, elle dit, ah, là, moi, je reste pas. Là, elle n'a pas pu sortir. Elle s'est assise. Elle allait écouter une des conférences. Puis après ça, c'était clair que tout le reste au complet, elle oublie ça. Tu sais, ce que tu as besoin, là, ça s'en va ça. Au niveau de l'énergie, le reste, ça va là. Bon. C'est ça. Il y en a quelques-unes comme ça qui n'ont rien à faire. Il y en a un, ben la personne est venue une fois ou deux, là, c'est un bien gratuit, c'est, puis il donne ça à son grand-père. Le grand-père, il vient. Puis il est revenu. C'était pour lui un tabarouette. Des choses allées comme ça. Tu peux manipuler quand c'est le temps. Y a-t-il de la place pour des œuvres médiatiques conscientisées qui peuvent apporter à l'homme nouveau et transitif plus de divertissement? Plus que du divertissement. Si oui, élaboré comme les films ou séries télé. On y a déjà pensé. Oui, on y a déjà pensé. Hein? Il y a du monde qui y pense aussi. Bon. On ne vous dit pas qu'un jour on n'en fera pas, mais on ne vous dit pas qu'un jour on va faire. Les filles de Daniel Kemp au lieu des filles de Karim. Et selon vos tout enceintes, entre Charles et Villeneuve, vous êtes entre chez nous. D'amour sur le corps physique des filles de Colette, c'est un douleur. Une bonne série. C'est monsieur le ministre, c'est monsieur le conférencier. Il y a déjà des films qui sont phénoménales du point de vue de la nourriture énergétique. Mais ça dépend avec quels yeux on les regarde. Alors, je peux vous donner des titres. Qui sont parfaits comme films. Ça dépend toujours de l'humain qui est en avant de l'écran. Alors, je vais vous donner quelques petits titres comme ça, qui ont cette caractéristique-là. Ça va être de mieux en mieux. On en a déjà. Patrouille du Cosmos 4. Le voyage long, le retour vers la Terre. C'est un film qui est absolument parfait. C'est instructif, distrayant. Et la réplique du monde dans l'avenir est très similaire à bien des choses qu'un jour on va vivre, au point de vue de ce que c'est. Là-bas, ils ont des gros problèmes, là, puis quand ils arrivent à New York en 89, là, ben, c'est pire que ce qu'ils viennent, puis là, ils sont en paix. Là, autre film, il y a Cocoon 1. Le 2 s'adresse aux humains, là, mais le 1 est correct. Sans compter que tout ce qui est dedans est totalement authentique. Alors, le 1 est correct. L'homme des étoiles, ça va. Simon des nuages, c'est un film québécois. Parfait. Fierro, l'été des secrets, c'est un film québécois. Parfait. Excalibur, non. Ça, c'est un film initiatique, ésotérique. C'est autre chose. Mais dans les films comme le retour du Jedi. Pas encore. L'entraînement des maîtres pour les Jedi, c'est bien. Oui, c'est bien. Joli, c'est déjà savoir. Et puis, il y en a quelques-uns comme ça là, qui sont intéressants. Je vois. Ouais. Non, mais on n'est pas les miens, mais Wall Street. Non. Toi, c'était pour comprendre ce que ça va faire. Les Rosicruciens, par les grands maîtres, décrivent avec beaucoup de détails tous les plans du monde de la mort et affirment que le but de l'homme est d'atteindre les mondes divins au-delà du plus haut ciel. N'est-il pas possible pour les morts d'aller au-delà du haut astral pour se fusionner à leur partie divine? Hélas, non. Le mort est en attente d'une réincarnation et seul celui qui a un corps physique animé peut avancer. Le monde de la mort, c'est le monde de mémoire. Donc, dans le monde de la mort, on ne fait rien. Comment fait-on pour fusionner des égrégores qui ont été énergisés dans le passé? Ça dépend des égrégores, ça dépend de plusieurs choses. Normalement, ce que l'on fait, c'est qu'on doit créer un égrégore plus volumineux dans lequel on va inclure le nom des égrégores que l'on veut fusionner. Bon. Est-il juste de dire une planète, un roi, maintenant? Ben tiens, cette personne-là, je ne sais pas si elle écoutait nos conversations privées à un moment donné. Mais c'est évident. Une planète, un roi. Faisant référence à un bonhomme un jour qui a dit une terre, un roi. C'était Arthur. Un peu avant, c'était son père. Mais c'est ça. Sauf que ce ne sera pas dans un corps physique. Non, il faut comprendre l'idée aussi. C'est que quand Arthur. Non. Mais quand Arthur disait une terre, un roi, c'est la même chose. Sauf que tout le monde pensait qu'il parlait de l'Angleterre. Puis du roi, d'un roi, d'un être. Oui. Et là, on parle de la terre, une terre, un roi, un monarque, c'est évident. J'aimerais savoir si ce n'est pas une illusion, le double éthérique. Si ce n'est pas une illusion, le double éthérique, pour pouvoir se supporter un temps, car nous ne sommes pas capables de se supporter soi-même. Bon. Ce genre de questions, je n'aime pas qu'on pose. Oui et non. Hein, c'est le genre de réponse qu'on n'aime pas. Voilà. Qui va avec la question. C'est pas une réponse qu'on n'aime pas. Hein? Bon. Le double éthérique est totalement authentique et nécessairement, c'est totalement une illusion. Ça existe, mais ça n'existe pas. C'est ça. C'est vrai et c'est faux. Ça fait partie des paradoxes de la conscientisation. Le double éthérique existe. Sauf que l'être humain qui en entend parler va en créer une forme. Il va vouloir l'imaginer. Il va essayer de s'en faire un concept. Tout ça fait partie de la mécanique de l'illusion. Mais ce concept-là est ce qui va permettre à l'ego de se soutenir en attendant que l'humain puisse se soutenir lui-même. Mais quand l'humain va être capable de se soutenir lui-même, c'est quand il se sera fusionné avec son double éthérique. C'est là, il n'y aura plus besoin de la forme. La forme va donc éclater. On parle de Dieu, on parle d'un créateur. On va dire, par exemple, il y a eu, c'est pas un créateur, il y a quand même eu un événement créationnel. Ça aussi, c'est une forme. Mais une chose certaine, c'est qu'il a fallu qu'il se passe quelque chose quelque part. Donc, la valeur qu'on va associer au mot est une forme, un mensonge cosmique, une illusion. Dangereux, pas nécessairement. Si on sait se servir de la forme, génial. Les mots sont des formes, des illusions. Mais si on s'en sert plus, on est encore bien plus mal pris. Donc, on s'en sert jusqu'au jour où on va être capable d'être télépathe. Il y a un moment donné, on va s'en servir dans l'énergie de la forme. Alors, je vais dire à quelqu'un, je t'aime. L'autre va répondre, je sais. Puis ce sera un gars et une fille. Mais les deux vont avoir compris que le mot « je t'aime » ne veut pas communiquer ce que normalement l'animal humain se dit. Ils auront compris au-delà du mot. Ou encore, je vais dire simplement « c'est bleu », l'autre va dire « noir, c'est rouge ». Je vais dire « ben c'est ça, c'est bleu ». L'autre va dire « exact, c'est rouge ». Les deux mots, là, on s'en fout, on sait qu'on communique la même chose. Là, c'est plus dangereux. Alors, comme double éthérique ou ces choses-là, le double éthérique existe réellement, c'est un réservoir d'énergie vitale, comme votre corps vital existe. C'est une âme pure, c'est un périsprit sans ego, sans mémoire volatile. Mais l'humain peut s'en faire un concept illusoire, l'ego va s'en faire un concept pour arriver à comprendre la mécanique dans laquelle l'intelligence veut l'engouffrer. Mais le double existe. Ce que l'humain envoie est illusion. Mais ça peut être utile. Mais le double existe. J'entends parler d'émotions et de sentiments. C'est une question de une pensée que j'ai gardée. À quand le jour où l'on se comprendra d'un regard, d'une vibration, d'une atmosphère transparente? Est-ce de l'utopie, tout ça, car j'ai grand soif, tout en étant nonchalante face à ça? C'est de l'utopie. Ça n'empêche pas qu'un jour ça va être comme ça. Sauf que l'ego qui utopise ne verra pas ça. C'est encore un paradoxe de la conscientisation. Tu veux être heureux? Parfait. La journée où tu vas l'être, là, toi, là, présentement, là, tu ne seras pas. Voilà. Je ne le serai pas ou je ne le saurai pas? Tu ne le sauras pas. Tu ne pourras pas connaître ton bonheur. L'ego humain recherche. Quand il trouve, il n'est plus là. Parce que son rôle est de chercher et non pas d'accomplir. On pourrait dire de posséder. C'est pas l'accomplir est meilleur. Alors j'entends parler d'émotions et de sentiments à quand le jour où l'on se comprendra d'un regard, de vibration, d'une atmosphère transparente. Ben maintenant, il suffit de le faire. Je le fais avec certaines personnes. Puis on s'entraîne à le faire. Ça fait partie de la désinhibition, ça fait partie de cesser de juger. Et une personne va dire, oui, mais écoute, moi je le fais, tu sais, mais l'autre, il ne le fait pas. Non, vous ne le faites pas. On n'a pas besoin de deux personnes pour être transparent. On aura besoin de quelqu'un, peut-être, pour se désinhiber en face de nous-mêmes. Parce que l'autre devient la raison de notre blocage. Passe malgré le blocage, ça reste le blocage. Alors la personne, non, effectivement, ça va arriver. Il y a des êtres que je connais qui le font presque complètement. Ça s'en vient. Soyez la fièvre en dedans pour y arriver. Est-ce de l'utopie? Ça va être comme ça. Car j'ai soif tout en étant nonchalante face à ça. Et c'est ça qui est la problématique. C'est que la personne, elle réincarne probablement des mécaniques d'avenir où ça se vit. Donc, en dedans, ça veut. Et tout l'ego complet qui est l'antihomme, donc, qui est présentement chez elle, bon, ben lui, là, pour l'instant, là, on va attendre, on est nonchalant. Et ça, c'est un feu qui est intéressant, qui est souffrant, hélas, qui est celui de... ça tire d'un bord, ça tire de l'autre. Parce que tu avances ou tu recules, et ça ne lâche pas ni un ni l'autre. Tu sais, c'est les Américains puis l'Irak, on attend. Puis à un moment donné, la personne, elle va passer d'un côté ou de l'autre. Je constate qu'à travers ma conscientisation, je suis de moins en moins manipulable par l'astral. Le problème est que j'ai la conviction que l'astral manipule davantage mon petit ami. Que faire? Qu'est-ce qui lui appartient vraiment? Bon, juste avant, ça me plaît de vous en parler comment le langage de l'humain est un langage précis que si on est conscient, on se développe. Vous savez, quelqu'un qui est un petit Christ, là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est correct. Quelqu'un qui est un bon diable. Correct. Tu sais, l'inverse, tu sais. Je dis, moi, que si j'ai une fille qui est une amie, on se respectera. Si on tombe en amour, on se respectera moins. Et je pourrais dire ma petite amie. Et mon petit ami. C'est plus un grand ami. Un petit ami. Alors, c'est comme ça ici. Je constate qu'à travers ma conscientisation, je suis de moins en moins manipulable par l'astral. C'est logique. Le problème est que j'ai la conviction que l'astral manipule davantage mon petit ami. Que faire? Qu'est-ce qui lui appartient vraiment? J'ai expliqué souvent que lorsque l'être humain évoluait, c'était collectif. Que lorsque l'être humain a commencé à se conscientiser, c'est devenu individuel. Et que toutes les mécaniques de la vie vont tout faire pour vous empêcher de vous conscientiser. Quand vous commencez à être plus solide, bien là, c'est l'entourage qu'on va accrocher. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos employés, vos employeurs, vos collègues, commencent à ramasser autour. Et c'est pourquoi que l'être humain qui se dit « Oui, mais moi, si j'évolue, puis ça fait souffrir autrui, je vais m'autant attendre. » Et c'est là le piège. Continue à avancer. Lui, il a son karma à vivre, il a sa vie à vivre. Et puis, moins vous allez vous en faire, plus facile ça va être pour lui. Quand j'ai décidé, moi, que mes enfants, on leur fera n'importe quoi, ça ne m'empêchera pas de continuer, mais on a lâché mes enfants. Ça ne sert plus à rien les mettre à crier pour moi, ça ne fonctionne pas. L'astral, le bois est stupide, il t'économe en énergie. Donc, détaché de mes enfants, je m'en fous pas, mais détaché de mes enfants ou de ma femme, automatiquement, c'est leur vie maintenant qu'ils vivent. Ils vivent plus un karma à cause de moi. Mais c'est pas de dire « je m'en détache ». Non, c'est d'être détaché. C'est différent. On commence par le dire. Il faut pas s'attendre que parce qu'on le veut ou qu'on le dit, que ça arrête. Parce que c'est pas vrai encore. La conscientisation, c'est quelque chose de vivant et de pratique. C'est pas une question de philosophie là, ou d'émotivité. Alors, effectivement, son petit ami va se faire charrier. Est-ce qu'elle peut lui en parler? C'est une bonne chose. Ah, il ne comprendra rien. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas capable de vous en parler à vous-même. Donc, on devrait s'arranger pour en parler. On y écrit un mot, on a des choses en genre. Les personnes, ce qu'ils vont faire, souvent, ils vont dire, « Ouais, mon petit ami n'est peut-être pas capable. Je vais faire écouter une cassette de Daniel Kim. » C'est pas moi, il faut qu'il parle. C'est vous autres. Alors, il y a des choses comme ça là, qu'il faut faire. C'est dans le genre, par exemple, on y explique. Je ne vais même pas donner de conseils. Vous allez apprendre à devenir votre maître un peu plus en étant capable de communiquer ce qui arrive. On a peur de parler à lui-même. Je suis de moins en moins astral et lorsque je le suis, je suis beaucoup plus vulnérable qu'avant. Dans ces moments, j'ai l'impression de ne plus pouvoir, de ne rien pouvoir pour moi. Comment faire pour... quelque chose comme ça, comment faire, c'est ça, ou idéalement me libérer de ces moments. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est s'arranger simplement pour ne pas regretter quand elle se fait avoir, pour ne pas se culpabiliser quand elle se fait avoir. Ce qu'elle doit faire aussi, c'est d'apprendre à sourire lorsqu'elle ne se fait pas avoir. Elle doit apprendre à économiser son énergie. On a vu un peu ce soir que, en devenant son seul, un peu plus son maître contrôleur intérieur, en l'occurrence, en cessant de juger, pour ne pas se juger, elle aura déjà là suffisamment d'énergie pour commencer à contrer d'une façon de plus en plus facile ses manipulations. Et quand elle est vivante, réveillée, non manipulée, ben, qu'elle continue à avancer, qu'elle développe ça plutôt que de travailler des mécaniques contre l'astral. C'est pas des mécaniques, par exemple, contre la pollution qu'il faut travailler, c'est des mécaniques pour plus polluer. Alors, si elle développe chez elle ce qui est beau, elle n'aura pas besoin de travailler contre ce qui est laid. Ça va s'en aller tout seul. On nous a dit que vous avez été hospitalisé. Qu'est-il arrivé au juste? Il y a des médecins qui voulaient assister à des choses particulières, alors j'ai été à l'hôpital pour leur montrer. C'est une bonne chose. Je suis arrivé au juste, disons, très brièvement, simplement, et c'est pas pour vous faire peur du système hospitalier, mais j'avais un petit examen à passer. Pendant le petit examen, bien, ils m'ont perforé le colon, alors ils devaient me garder pour m'opérer, d'urgence. Et je devais donc être opéré, rester là quelques temps, être opéré dans 3 mois, etc. Et puis j'ai réussi à les convaincre de me laisser quelques heures. Et puis le lendemain, bien, je n'avais plus besoin d'être opéré, c'était déjà cicatrisé, c'était déjà parfait. Plus d'infection, plus de température, c'était correct. Alors ils m'ont quand même gardé parce qu'ils ne croyaient pas trop à l'affaire. Et puis finalement, bien là, ils ont fini par dire, écoutez, prenez un lit pour rien, là, et je suis parti. Voilà. Quand le Nazaréen disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », voyait-il la même chose que tu as vue dans le futur? Et c'est la même chose. L'homme est le seul animal dont les racines sont aux cieux. Se gronder serait-il se retrouver ses racines plutôt que de se terrestrifier? Gronder, terrestrifier, c'est la même chose. Non, tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir transportable. Quand le Nazaréen... que je connais bien, il disait qu'un jour vous ferez des choses exactement comme lui, même meilleures, même plus fortes. Quand il disait aux gens, tu sais, aimez-vous entre vous comme vous vous aimez vous-même, il y a plusieurs choses que lui a dit ajustées à la population de l'époque. Mais s'aimer dans ce langage nazaréen, quand il rencontre Barabbas, puis l'autre, il lui dit « on a des ennemis », puis le nazaréen lui il répond « écoute, tu dois aimer tes ennemis ». Il ne parlait pas de l'amour que l'humain parle depuis 2000 ans. Il ne parlait pas de l'amour conditionnel. Il n'y a aucun humain qui est habilité astralement à aimer qui peut aimer son ennemi. Bon, il va l'haïr, son ennemi. C'est sa forme d'amour. Il va attacher sa vie à l'autre par la haine. Il parlait d'amour intelligent, il parlait d'autres choses, il parlait de transparence. Et lui, il a été suffisamment transparent. Et c'est ce qui l'a aidé, parce que sans ça, il n'aurait pas vécu longtemps, ça a pris du temps. Quand il était jeune, il a des petites difficultés. Et quand il parle de son royaume intérieur, ben effectivement, c'est pas comme ça. C'est comme la terre, c'est pas la terre. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il disait. Et il avait raison. Puis n'importe quel être humain aussi peut se ramasser là-bas. Sauf que l'humain doit être digne d'être là-bas. Quand le Nazaréen a été digne d'être là-bas, ben il est allé là-bas. Dans le cas du Nazaréen, c'est un petit peu différent. C'est un personnage qui vient de là-bas pour ramasser une humanité planétaire. Il va s'associer avec un être humain, Jésus. Il va prendre son corps physique, il va s'en servir, et par la suite, il va donner, disons, certains avantages sociaux à Jésus, qui va se réincarner à travers le temps, jusqu'à aujourd'hui. Et le Christ, l'effusion michaélienne, elle est retournée avec l'humanité qu'elle venait chercher. Et il y a quelques personnages qui vont faire un peu la même chose dans les temps qui vont venir. Il y a des personnages qui vont venir chercher une partie de leur humanité dans le but de rendre réel un royaume. C'était la même chose pour le Nazaréen. Le royaume des cieux n'existait pas tant que lui ne le créait pas. Et le créer, c'était de bifurquer à travers certaines choses. Il fallait qu'il vienne faire le passé qui est aligné vers ce futur-là. Oui, il est parti avec les prophéties, puis il a tout changé au complet. Avec les lois, ils ont tout changé au complet. Pour lui. Après ça, les humains disent, « Ouais, mais regarde, il est passé pour rien, on n'a rien changé. Il est passé pour lui, il n'est pas passé pour... » Est-ce qu'un bébé naissant est pur? Non, habituellement, ils sont recouverts de glu, puis c'est fait... Non, la pureté est quelque chose de... qui n'existe pas chez l'humain qui n'a pas de conscience. Le bébé naissant n'a pas de conscience. Il n'est pas pur, pourquoi? Parce que son corps physique est génétiquement celui de ses parents. Il a l'ego de ses parents, exprimable par un corps de bébé. Donc, il ne pourra pas vous engueuler, pas. Le corps n'est pas bâti pour. Mais il est déjà coloré par l'astralité des deux lignées familiales. Par l'astralité de l'ambiance dans laquelle il est venu au monde, par l'astralité du contact avec les individus lorsque la mère le portait. Il n'est pas coloré, coloré. Il n'y a pas d'égo, mais il y a déjà des mémoires volatiles, donc l'âme est déjà impure. Mais c'est pas fort. Puis c'est pas grave. La pureté, c'est quand on a une conscience. Quand on est malade, est-ce que c'est un sentiment? Quand on est malade, si on parle au niveau vibration sentimentique, non. Quand on est malade, c'est qu'il y a une désharmonie au niveau des énergies. C'est une certitude, ce n'est pas un sentiment. Des mécaniques sentimentiques peuvent engendrer des maladies. Quand des mécaniques émotives peuvent faire la même chose. Ce n'est pas un sentiment, c'est une perception. Comment différencier l'émotion du sentiment? Ah ben là, il faudrait se référer à la conférence de, je crois, d'une semaine ou deux, ou d'autres conférences que j'ai fait là-dessus, parce que là, ici, cette conférence-ci tire à sa fin. Le sentiment, on n'a pas le... rapidement, c'est que l'émotion, c'est quelque chose qu'on mémorise puis qu'on veut revivre. Un sentiment, c'est quelque chose qui provient du neuf, même si ça fait 20 fois qu'on vit le même sentiment, c'est neuf. C'est surprenant, on ne l'a pas commandé. C'est spontané, c'est instantané. Ça nous donne une forme de joie. Puis la joie, c'est le bonheur de l'homme nouveau. Le bonheur, c'est quelque chose de temporel. Là. Je suis heureux, je ne suis pas heureux. La joie, c'est spontané. Tu t'es, c'est fini là. Or, c'est la différence entre les deux, c'est surtout ça. Le sentiment nourrit, l'émotion nous tue. D'où vient l'énergie qu'on peut canaliser par la technique Reiki? Y a-t-il une dette karmique à utiliser cette technique pour se guérir soi-même ou les autres? C'est de l'énergie vitale, mais effectivement, il y a une problématique karmique quand on applique des techniques du passé. Ça reste des techniques de magie, de magie blanche, mais encore là, ça reste toujours karmiquement problématique. Si oui, de quelle nature est-elle? Vitale. Le karma est vital? L'énergie. L'énergie. Et est-ce que le karma est... Un karma blanc, ça nuit pas trop, un karma noir, ça nuit, mais ça dépend des individus. Souvent, ça peut être noir parce qu'on se mêle du karma d'un autre. Et quand on a un karma, si on a un karma physique, c'est-à-dire si c'est par une technique physique ou un accident physique, le karma est physique, est-ce qu'il peut avoir un karma physique, mental et à différents niveaux? Oui. La semaine prochaine, le titre... en fin de semaine, c'est la conférence du mois. Oui. dimanche pour les séminaristes. Et la conférence de vendredi prochain, de l'homme au Dieu. Pas au Dieu, O-D-I-E-U-X. C'est d'ici à là-bas. On va parler un peu de ça. De l'homme à la divinité, on pourrait dire. Ah, là-dessus, jugez pas, chialez pas, amusez-vous, souriez, vous allez voir, ça va vous agréablement vous changer, oui. Bonne semaine.